بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc aujourd'hui, c'est le cours numéro 2 dans l'explication de Tafsir Surat al-Nisa, le tafsir du Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Donc on est arrivé aujourd'hui, on continue dans l'explication des versets de 1 à 4 dans Surat al-Nisa. Voici où on était rendu la dernière fois. C'est le verset 2. ثم قال سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم أمر من الله جل وعلا أي أعطوا اليتامى واليتامى جمع يتيم وهو من مات أبوه وهو صغير فأما الذي بلغ فإنه لا يتمى بعد الاحتلام واليتامى لما فقدوا آباءهم احتاجوا إلى من يقوم بمصالحهم وتربيتهم خلفا لآبائهم وحفظا لأموالهم ولهذا قال سبحانه وآتوا اليتامى الذين توليتم شؤونهم وحفظتم أموالهم. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit et donnez aux orphelins leurs biens, hein, les biens qui leur appartiennent. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, donc cela, c'est un ordre d'Allah, de donner aux orphelins. Le mot orphelin au pluriel en arabe c'est yatama. Et le mot yatama c'est le pluriel de yatim. Donc yatimun yatama. Yatim, c'est le singulier. Yatama, c'est le pluriel. Et la définition de quelqu'un qui est yatim, c'est celui dont le père est mort alors qu'il était petit. Donc, si ton père est mort alors que tu étais petit, tu es considéré comme étant un orphelin. Hein? Même si ta mère est vivante. Parce que pour les koufas, l'orphelin, c'est celui qui n'a ni père ni mère. Donc, en islam, la définition de l'orphelin, c'est celui dont le père est mort alors qu'il était petit, même si sa mère est encore vivante. Et on dit que les orphelins, lorsqu'ils meurent, par exemple, lorsque leur père meurt, alors qu'ils n'ont pas encore atteint la puberté, on dit que ce sont des orphelins. Toutefois, si quelqu'un, son père meurt alors qu'il est déjà pubère, on ne dit pas qu'il est orphelin à ce moment-là. Donc c'est uniquement lorsque son père meurt avant qu'il soit pubère. Uniquement si son père est mort avant qu'il soit pubère. Ensuite, le cheikh, il explique que lorsqu'ils ont perdu leur père, ils ont besoin de quelqu'un qui va s'occuper de leur intérêt et qui va les éduquer. Et qui va remplacer leur père et qui va préserver leur richesse ou leur bien s'ils ont de l'argent. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset et donner aux orphelins leur bien. C'est-à-dire, ça c'est un ordre pour ceux qui sont responsables de s'occuper des affaires, hein, des affaires de l'orphelin et qui vont garder pour eux leur argent et leur bien, si c'est des propriétés ou si c'est un héritage ou si c'est de l'argent ou peu importe. Et il dit wa qawluhu amwalahum adafaha ilayhim li'annaha milkun lahum warathuha an abaihim wa kadhalika ma malakuhu bighayr al-irth وهم صغار فإنه يجب على وليهم أن يحفظه لهم فقوله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم يلزم منه حفظ أموال اليتامى حتى يدفعها إليهم كاملة عند بلوغهم. Donc ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit leur bien, le bien de ces orphelins-là. Amwal, c'est le pluriel de mal en arabe. Et mal, c'est l'argent, les biens, la richesse, tout ce que quelqu'un peut posséder. Ce n'est pas nécessairement de l'argent, de l'or, de l'argent ou de l'argent de la monnaie. Non, ça peut aussi être des biens, des meubles, une voiture, des propriétés, des immeubles, tout ce qui a de la valeur. C'est ça qu'on considère comme étant mal. Et le pluriel de mal, c'est amwal. Amwal. Et Allah il dit amwalahum. Amwalahum, ça veut dire leurs biens. Parce que hum, à la fin, c'est un pronom possessif qui est attaché à la fin du mot. Donc, amwalahum. Si c'était au singulier, amwalahu. Si c'était singulier féminin, on dirait amwalaha. Et si c'est ici au pluriel singulier, amwalahum, leur bien. Donc, donnez-leur leur bien. Parce que, pourquoi Allah dit leur bien ici? Parce que ça leur appartient. Ça leur appartient parce que c'est soit parce qu'ils l'ont hérité de leurs parents, de leur père, cet argent-là, ou bien ils l'ont sans que ce soit d'un héritage, mais ça leur appartient. C'est leur bien à eux quand même. Donc, tout ce qui leur appartient, donnez-leur. Et c'est donc une obligation pour le garant ou le tuteur de cet enfant dont le père est mort. C'est une obligation pour ce garant ou ce tuteur de s'occuper de ces biens-là et de les garder pour l'enfant et de les préserver de façon juste et honnête jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir prendre possession de cette richesse-là. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, donner aux orphelins leurs biens. Donc c'est une obligation pour le tuteur de préserver ces biens-là pour les orphelins jusqu'à ce qu'il leur donne au complet lorsqu'ils atteignent la puberté ou bien l'âge dans lequel ils sont capables de gérer cet argent-là par eux-mêmes. Il dit « وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ الْخَبِيثُ هُوَ الْحَرَامُ وَالطَّيِّبُ هُوَ الْحَلَالُ أي لا تأكلوا أموال اليتامى لأن أكلها حرام وخبيث وكلوا من أموالهم التي أعطاكم الله وهي الطيب فلا يستبدل الخبيث بالطيب فالله جل وعلا في هذه الآية حذر من التهاون بأموال اليتامى ولا تتبدل الخبيث بالطيب فالطيب هو أموال الأولياء والخبيث هو أموال اليتامى ولا تأكل أموالهم وهذا تكرار للنهي أمر بإيتائهم أموالهم ونهى أمر بإيتائهم أموالهم ونهى عن أكلها لأن ذلك استبدال للخبيث بالطيب. Donc ici le cheikh il dit et ne remplacez pas ou ne changez pas le mauvais pour le bon ou le mauvais par le bon. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mauvais, c'est-à-dire qu'est-ce qui est haram. Et qu'est-ce qui est bon, c'est-à-dire qu'est-ce qui est halal. Donc, ne changez pas ce qui est halal pour ce qui est haram. En voulant dire, ne changez pas ce qui est haram par ce qui est halal. En voulant dire, ne consommez pas les biens de ces orphelins-là. Ne mangez pas ce qui est haram. Ne consommez pas ce qui est haram, c'est-à-dire les biens qui appartiennent aux orphelins. Et mangez des biens que Allah vous a donnés. وَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي أَعْطَاكُمُ اللَّهُ وَهِيَ الطَّيِّبُ. Donc, et mangez plutôt les biens que Allah vous a donnés, qui est ce qui est bon, ce qui est halal pour vous. Et il dit, et n'échangez pas le mauvais, ce qui est haram, pour ce qui est halal. C'est-à-dire, au lieu de manger qu'est-ce qui est halal, ne consommez pas ce qui est haram. Ne prenez pas le haram au lieu de ce qui est halal. C'est ça que ça signifie. Et donc, Allah Azza wa Jal, ici dans ce verset, il met en garde d'être négligent et de se permettre, hein, avec les biens des orphelins, de pouvoir les consommer. Donc, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'est-ce qui fait partie de l'argent ou des biens du tuteur. C'est son argent à lui. Donc ça, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est halal pour lui. Et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est haram pour lui, c'est l'argent des orphelins. Donc peut-être que le garant des biens des orphelins, il va dire, ah moi, hein, je vais utiliser l'argent des orphelins parce que hein, moi, je ne veux pas dépenser mon propre argent, je n'ai pas envie de m'appauvrir. Donc je vais prendre la richesse de l'enfant qui est sous ma charge. Le cheikh, il dit, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ, et ne consommez pas leur richesse ou leur bien. Et ça, c'est c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il répète encore cette interdiction une autre fois. C'est-à-dire l'ordre de donner aux orphelins leurs biens, les biens qui leur reviennent, et l'interdiction de les consommer. Hein? Il le répète encore une fois, parce que de faire ça, ça équivaut à yani, remplacer ce qui est halal par ce qui est haram. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَيْ لَا تُخْلِطُوهَا مَعَ أَمْوَالِكُمْ وَتَأْكُلُوا الْجَمِيعَ بَلْ مَيِّزُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَ عَنْ أَمْوَالِكُمْ وَاحْفَظُوهَا لَهُمْ حَتَّى تُؤَدُّوهَا لَهُمْ عِنْدَ بُلُوغِهِمْ رَاشِدِينَ. Donc ici le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et ne consommez pas leurs biens avec les vôtres, hein? C'est-à-dire ne mélangez pas votre argent avec leur argent pour que par la suite vous consommiez le tout sans distinguer ce qui est à vous et ce qui est à eux. Mais plutôt, séparez et distinguez entre les biens des orphelins et vos biens à vous, et préservez leurs biens. Comme ça, vous allez pouvoir leur rendre leur dû une fois qu'ils ont atteint l'âge de raison et qu'ils sont capables de gérer leur propre argent par eux-mêmes. Et le cheikh, il dit, وَقِيلَ الْمُرَادُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَيْ لَا تَأْكُلُوا لَا تَخْلُطُوا طَعَامَهُمْ مَعَ طَعَامِكُمْ وَلَمَّا شَقَّ هَذَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي عَزْلِ طَعَامِ الْيَتِيمِ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُصِيبُهُ الْفَسَادِ إِذَا عُزِلَ عَمَلًا بِهَذِهِ الْآيَةِ نسخ الله جل وعلا ذلك بقوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم فأباح خلط طعام اليتيم مع طعام أهل البيت وأن يأكلوا جميعا. Donc ici le cheikh, il dit que une autre explication que les ulama ont mentionnée par rapport à ce verset-là, hein, ne mangez pas ou ne consommez pas leurs biens avec vos biens, en les mélangeant ensemble, c'est-à-dire que ça signifie ne consommez pas ou ne mangez pas votre nourriture, leur nourriture avec la vôtre. Ne mélangez pas votre nourriture avec la vôtre. Et l'application de ce verset était compliquée pour les musulmans, puisque ça impliquait qu'il fallait séparer la nourriture des orphelins de la nourriture du reste de la famille. Et parfois, qu'est-ce qui pouvait arriver, c'est que la nourriture pouvait devenir comme mauvaise ou bien être, devenir moisie ou pourrie à cause de ça, puisque elle était laissée plus longtemps ou bien elle était mise de côté, donc elle pouvait parfois devenir mauvaise, elle n'était plus bonne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce verset-là par le verset 220 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié d'autres règles pour yani justement spécifier par rapport à cette question-là, dans lequel il dit et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis-leur, dis, leur faire du bien est la meilleure des actions. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Naam, en voulant dire que si vous mélangez votre nourriture avec leur nourriture et que vous mangez tous ensemble, tant que votre intention et votre but dans ça, c'est de ne pas... c'est-à-dire, tant que votre intention dans ça, c'est ne pas de faire du désordre ou de l'injustice, alors il n'y a pas de mal. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis à ce moment-là de mélanger la nourriture des orphelins à la nourriture du reste de la famille et pour qu'ils puissent manger tous ensemble. Et il dit... ثم قال سبحانه وتعالى إنه كان حوبا كبيرا أي أكل مال اليتيم حوب والحوب معناه الإثم إن أكلها فيه إثم كبير تحذيرا من التساهل في أكل شيء من أموالهم وقد جاء فيما بعد يعني قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وجاء في الحديث الصحيح أن من السبع المبيقات أكل مال اليتيم. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite du verset, certes cela est un grand péché, de mélanger leurs biens avec vos biens ou de consommer leurs biens injustement, ça c'est un grand péché. Donc il dit le cheikh que al-hub dans le verset ça veut dire le péché, al-ithm, et il dit donc c'est une mise en garde contre le fait de prendre à la légère le fait de consommer quoi que ce soit des biens des orphelins. Et à ce sujet là justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10, dans Surat An-Nisa, justement, dans le verset qui va suivre dans quelques versets, que certes, ceux qui consomment les biens des orphelins, injustement, ils ne font que consommer du feu dans leur ventre. Ils ne font que manger du feu dans leur ventre et ils brûleront dans la fournaise, c'est-à-dire dans l'enfer. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique, que parmi les sept grands péchés qui amènent à la perte une personne, il y a le fait de consommer les biens de l'orphelin. Ensuite, le cheikh il dit « ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَلَى مُوصِيًا بِالْيَتِيمَاتِ » Bon, avant de rentrer dans ce verset-là, le verset suivant, juste faire un résumé donc de tout ce qu'on vient de lire par rapport aux orphelins, parce que dans l'islam il y a une grande importance qui est donnée à la justice et au fait de faire justice et de faire honneur aux orphelins et de s'en occuper et de ne pas les abandonner, parce qu'ils n'ont plus de père pour s'occuper d'eux et de veiller à leur intérêt et à leur bien, à leur bien-être. Il ne faut donc pas les abandonner. Il ne faut donc pas leur faire de l'injustice ou leur faire du tort, parce qu'ils sont vulnérables. Ils sont dans une situation de vulnérabilité. Alors, il faut être un soutien pour eux. Après, le cheikh, il dit... ثم قال جل وعلا موصيا لليتيمات وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي في اليتيمات اللاتي تريدون الزواج منهن ولكن لا تعطونهن مهورهن على التمام لأن هذا محرم وظلم فاعدلوا عن اليتيمة وتزوجوا غيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء أنكحوا من النساء الطيبات في دينهن وأخلاقهن وآدابهن وهذا فيه النهي عن تزوج النساء الخبيثات في دينهن أو في عقيدتهن أو في أخلاقهن وذلك ما طاب لكم يعني ما مالت نفوسكم إليه منهن لجمالها وحسن خلقتها. Donc ici le cheikh il explique que ensuite dans le verset suivant et ça c'est le verset 3 Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans sourate An-Nisa, il donne des consignes par rapport aux filles, aux orphelines. Et on sait que on a mentionné que les orphelins, ils sont vulnérables, ils sont dans une situation de difficulté, de faiblesse. Eh bien, si c'est le cas pour les orphelins, eh bien les orphelines, c'est encore pire, c'est encore pire plutôt parce que non seulement elles sont vulnérables du fait que elles sont des orphelines, mais elles sont des orphelins, elles font partie des orphelins, mais en plus elles sont des filles, et donc par conséquent elles peuvent souffrir doublement de cette situation par rapport aux garçons, même si les garçons eux aussi peuvent subir toutes sortes d'injustices, mais les filles encore plus parce que souvent, parce qu'elles sont dans cette situation de vulnérabilité, certains hommes malhonnêtes pourraient justement essayer de profiter d'elles dans cette situation-là pour les priver de ce à quoi elles ont droit. Et donc le cheikh il mentionne ça ici, que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné certaines consignes spécifiques par rapport justement à la justice qui doit être rendue aux filles qui sont parmi les orphelins, et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelines celles avec lesquelles vous souhaitez vous marier mais que vous ne souhaitez pas ou pensez pas leur donner le mahar qui leur revient entièrement. Parce que certaines personnes pourraient dire, ah, puisqu'elles sont orphelines et elles sont dans une situation de vulnérabilité, puis qu'elles n'ont pas de parents pour les défendre, un père pour les protéger, alors je peux me permettre, dans ce cas-là, de lui donner moins que ce que une femme de son rang pourrait recevoir comme mahar, comme cadeau de mariage. Alors, le cheikh dit ça, c'est une injustice et c'est haram. Alors, si dans ce cas-là, vous craignez de ne pas être juste envers elles, parce qu'elles sont orphelines, alors, dans ce cas-là, épousez n'importe quelle autre femme parmi les femmes qui vous plaisent et qui sont pieuses. Et il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala a donc permis aux hommes d'épouser parmi les femmes qui vous plaisent et qui sont bonnes dans leur religion et dans leur comportement et dans leur manière. Et ça implique l'interdiction pour un musulman d'épouser une femme ou d'épouser des femmes qui sont mauvaises dans leur religion ou dans leur croyance ou dans leur comportement. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma taba lakum » et « taba » ça veut dire, ça vient de qu'est-ce qui est « tayyib », qu'est-ce qui est bon. Donc, celles d'entre les femmes qui sont bonnes pour vous. C'est-à-dire bonnes par rapport à leur religion, leurs croyances et leur comportement et leurs bonnes manières. Et le cheikh, il dit donc que tout ce qui incite votre âme à vouloir pencher vers elle, c'est-à-dire leur beauté et la beauté de leur comportement. C'est ça que ça signifie. Ma taba lakum. Ensuite, il dit mathna, ay thintain, wa thulatha, ay thalathan, wa ruba', ay arba'an. فيباح للرجل الحر أن يتزوج إلى أربع ولا يتعدى الأربع وهذا ما يعبر عنه أو يعبر عنه بتعدد الزوجات الذي أحدث ضجة كبيرة عند ضعاف الإيمان وعند المغرضين الذين يتعرضون على الشريعة ويظنون أن في تعدد الزوجات ظلما لهن مع أن تعدد الزوجات المصلحة فيه للنساء أكثر من المصلحة للرجال لأن الرجل يتحمل القيام على أربع نسوة بالنفقة والكسوة والمسكن والعشرة ولأن في تعدد الزوجات حماية للنساء من الضياع فإن المعروف في كل مجتمع أن النساء أكثر من الرجال وكذلك يعتري الرجال ما يعتريهم من الحروب والتعرض للأخطار فيقل الرجال في بعض الأحيان وتأكلهم الحروب والأخطار التي يتعرضون لها فلو قصر الرجل على زوجة واحدة لتعطل كم كثير من النساء. نعم. Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc épousez celles qui sont bonnes et celles qui vous plaisent parmi les femmes 2, 3 ou 4. Hein? Mathna ça veut dire 2, thulath hein? Ça veut dire 3 et ruba ça veut dire 4. Il est donc permis à un homme qui est libre, c'est-à-dire qui n'est pas esclave, d'épouser 4 d'entre les femmes, mais il ne peut pas dépasser 4. Et on appelle cela, hein, ou cela est appelé, en français, il l'appelle polygamie, alors que le terme plus exact serait la polygynie. Polygynie parce que polygamie, ça implique un mariage pluriel, peu importe que ce soit un homme qui épouse plusieurs femmes ou une femme qui épouse plusieurs hommes, dans les deux sens en fait. La polygamie, c'est général. Tandis que la polygynie, c'est l'homme qui prend plusieurs femmes. Et la polyandrie, c'est une femme qui prend plusieurs maris. Donc en français, il y a plusieurs termes. Mais lorsqu'on parle de ça en arabe, ça est dans la religion musulmane, c'est uniquement dans le sens de l'homme qui prend plusieurs femmes. Et la limite, c'est le nombre de 4. Il ne peut pas avoir plus que 4. Et il dit que cela, ça crée beaucoup de bruit hein, chez les gens qui ont une foi faible à notre époque et chez les opposants de la religion qui cherchent à s'objecter à la sharia d'Allah. En pensant que dans le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs épouses, il y a une injustice pour les femmes dans ça. Et le cheikh explique qu'en réalité, il y a un plus grand bienfait pour les femmes dans la polygamie que pour les hommes. Parce que les hommes doivent supporter toutes les responsabilités et les charges qui sont rattachées hein, à l'entretien et au mariage dans ces relations-là. C'est-à-dire que dans l'islam, que ce soit un homme qui est musulman qui épouse une seule femme ou qu'il en épouse 2 ou 3 ou 4, c'est uniquement à lui que revient la responsabilité et la charge économique de s'occuper de tout ce qui est obligatoire pour lui de dépenser de son argent pour entretenir ces femmes-là. Et par conséquent, donc, c'est une lourde charge pour lui. Et les femmes, elles, de leur côté, elles n'ont pas un sou à dépenser pour quoi que ce soit des nécessités de la maison, de la nourriture, des vêtements, du loyer, du logement, hein, et des soins nécessaires, médicaux et autres. Tout ça, c'est sur le dos et les épaules de l'homme seulement dans l'islam. Donc, dans l'islam, il n'y a pas l'idée comme chez les koufars de cette égalité-là, de dire que les deux doivent dépenser de façon égale dans les dépenses et dans l'entretien et dans par exemple, certains parmi les koufars ou certains parmi les faibles de foi, parmi les musulmans qui ont une foi faible aujourd'hui, qui disent non, nous on sépare les obligations, hein, moi je ne veux pas tout payer, il faut que ma femme travaille elle aussi, hein, elle doit sortir travailler. Yani, ça c'est, comme on dit, c'est des musulmans qui ont soit une foi très faible, ou bien yani, qui suivent leur passion et qui veulent imiter les koufars. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça n'existe pas dans l'islam. Ça fait pas partie des principes de l'islam que la femme partage ou ait une part des obligations économiques de dépenser dans sa maison, d'acheter la nourriture ou de payer le loyer ou de payer les vêtements ou des choses de ce genre. C'est pas comme moitié-moitié ou bien toi tu payes ça, moi je paye ça. Non. Toute la responsabilité est uniquement à l'homme. Même si la femme elle a de l'argent, même si la femme elle travaille ou qu'elle a de l'argent et que son mari, lui, il en a moins, ou même si elle a un plus gros salaire que lui, ça revient tout de même à lui de payer ça. Et le cheikh il dit ensuite que c'est donc dans la polygamie, il y a donc un plus grand intérêt pour la femme que pour l'homme. Et une plus grande responsabilité pour l'homme qui va devoir s'occuper des responsabilités de la famille et d'habiller ses femmes, de leur donner la nourriture, de leur donner le logement, de s'occuper de tout ce qu'elles ont besoin pour la vie conjugale. Donc, il y a dans la polygamie, ou dans la polygynie, une protection pour la femme, pour qu'elle ne soit pas abandonnée, pour qu'elle ne soit pas laissée à elle-même. Hein? Puisque dans l'islam, la vie sociale, elle n'est pas comme la vie chez les koufars en Occident. Dans le sens qu'en Occident, yani, dans les pays des chrétiens, des juifs, qui sont en grande partie maintenant devenus beaucoup d'entre eux des matérialistes, laïcs, athées, ou bien des communistes, ou bien des gens qui n'ont aucun intérêt pour la religion réellement, et qui jugent dans leurs questions sociales et dans la vie par leurs lois inventées par l'homme, des lois corrompues et perverses. Sallallahu alayhi wa sallam. Et pour eux, le mariage, c'est plus obligatoire ou c'est plus nécessaire pour avoir une relation avec une femme. C'est pas nécessaire d'être marié. Un homme et une femme qui sont consentants, ils peuvent vivre comme ils veulent. Un homme et une femme peuvent décider d'aller vivre ensemble dans un appartement, vivre à vous. Et avoir des rapports entre eux comme si rien n'était. Et il n'y a personne qui va leur dire quoi que ce soit, les critiquer ou les blâmer ou considérer que ce qu'ils font est un péché ou mal. Non, pour eux, c'est tout à fait normal. Puis quand c'est fini, c'est fini. Ils passent à quelqu'un d'autre, ils passent à quelque chose d'autre. Hein? Et même à notre époque, on sait comment c'est à arriver à un point où c'est encore plus corrompu que ça encore, puisque maintenant c'est rendu que le mariage, c'est plus quelque chose qui est spécifique entre un homme et une femme. Maintenant, ça peut même être entre deux hommes, deux femmes, hein? Donc, ça veut dire que pour eux, le mariage n'a plus de sens, n'a plus de, hein, n'a plus, n'est plus, c'est plus quelque chose qui a d'importance réellement. C'est devenu comme un genre de risée, hein? Devenu comme un genre de cirque, n'importe quoi. Donc ici, le cheikh, il explique et il dit ensuite que qu'est-ce qui est connu dans toute société, c'est que en général, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Dans la plupart des sociétés, il y a plus de femmes que d'hommes. À cause de ce que les hommes peuvent subir, par exemple, du fait qu'ils partent à la guerre parfois, et ils sont touchés par des dangers quand ils sortent à l'extérieur, que la femme, elle n'est pas affrontée par ça. Malgré que maintenant, chez les koufars, il y a des hommes qui partent aussi, il y a des femmes qui s'enrôlent, elles aussi, dans l'armée. Donc, il y a autant de... Bon, pas autant, là, mais il y en a beaucoup de femmes dans l'armée maintenant, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était spécifique pour les hommes. Ça aussi, ça fait partie de leur soi-disant égalité. Allah musta'an. Donc, tout ça, c'est pour dire que, en général, dans les sociétés, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, ça voudrait dire que si on devait limiter la société à des relations qui sont purement monogames, hein, comme c'est le cas chez les koufars, malgré que d'un côté, sur le plan officiel, la monogamie, c'est ce qui est obligatoire, et on n'a pas le droit à la polygamie. Mais d'un autre côté, si c'est en dehors du mariage et que c'est des relations consenties, il n'y a aucune interdiction sur ça. Un homme peut avoir 10, 15, 20, hein, il peut avoir des rapports avec des centaines de femmes chaque année et il n'y a rien qui va lui être reproché pour ça. Hein? Il peut avoir des centaines de relations avec différentes femmes et c'est comme il veut. Mais pour le mariage, non, il ne peut pas avoir plus qu'une. C'est là qu'on voit en réalité le réel côté corrompu et pervers de cette société-là. C'est comme par exemple quand ils disent que, par exemple, tu vois, par exemple, l'UNESCO, l'ONU, ils propagent dans les pays musulmans que, et même dans les pays non musulmans, que les jeunes filles ne doivent pas se marier jeunes. Non, il ne faut pas que les jeunes filles se marient, il faut qu'elles puissent, hein, aller à l'école, puis il faut qu'elles puissent faire des études, il faut qu'elles puissent yani, s'épanouir, soi-disant. Elles se marieront plus tard. Donc, d'un côté, les gens pourraient dire, ah, mais ça, c'est noble, c'est bien parce qu'ils veulent le bien de la fille. Ils veulent la protéger pour qu'elle puisse finir ses études, pour qu'elle puisse devenir quelqu'un, pour qu'elle puisse être indépendante de l'homme, pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même, hein, pour qu'elle ne soit pas prise aux dépens d'un homme qui va lui faire du tort ou de l'injustice. Elle va pouvoir se débrouiller elle-même, ou si son mari meurt, elle va pouvoir travailler et puis s'occuper d'elle-même. Elle n'aura pas besoin de rester dans une difficulté ou dans une situation compliquée. En apparence, ça, c'est qu'est-ce qui est montré. Mais d'un autre côté, en même temps, ils disent que les jeunes filles qui ne se marient pas, c'est ça la seule chose qui les dérange, en fait, c'est le mariage. Parce qu'ils savent que dans le mariage découle, hein, une famille, des enfants, des responsabilités, des attachements, un devoir. Mais ils n'ont rien contre le fait que la fille décide d'avoir des rapports avec des garçons en dehors du mariage. Hein, du moment qu'elle utilise des préservatifs, qu'elle prenne la pilule, ça c'est pas grave. Qu'elle soit mineure, même si elle est mineure, c'est pas grave. Si elle a 14 ans, elle peut décider de faire ce qu'elle veut avec qui elle veut. Et du moment qu'elle se marie pas, c'est ça l'important. Du moment qu'elle tombe pas enceinte. Mais sinon, si elle veut faire toutes les perversités qu'elle veut et faire le zina et tout ça, ça c'est pas grave. Donc c'est là que tu vois en réalité le côté pervers de cette idéologie, de cette mentalité occidentale qui pousse les jeunes vers la perversité et vers le péché, hein, et qui les décourage de ce qui est ordonné par Allah et de ce qui est pur et de ce qui est bien. Hein. Le mariage, non, c'est trop jeune, vous êtes trop jeune, il faut pas se marier, c'est pas bon, vous avez le temps. Mais quand c'est le zina, oui, allez-y, faites le zina, faites le, hein, vous pouvez avoir des rapports avec qui vous voulez, comme vous voulez, juste mettez des, hein, préservatifs, prenez la pilule pour pas tomber enceinte, pour pas attraper des maladies, c'est ça l'important. Alors c'est ça la réalité derrière tout ça, de pousser les jeunes vers la perversité et la corruption, détruire la famille, hein, et détruire la femme, pour que tout soit sans dessus dessous, pour qu'il n'y ait plus d'ordre social. Et par la suite, pour pouvoir contrôler et rendre les gens esclaves. Rendre les gens esclaves de l'homme en général, et de pouvoir les contrôler pour les manipuler, pour faire en sorte que il n'y ait plus d'adoration, il n'y ait plus de but à l'existence. Nasrallah al-Afiyah. Ça, c'est un système diabolique. C'est un système qui est dessiné clairement par le shaitan. Il n'y a pas d'autre explication derrière ça. Même si eux, ils essaient de l'enrober d'une couche de sucre, hein, pour essayer de faire croire qu'il y a quelque chose de bon, hein, dans ce qu'ils font. Peut-être que l'enrobage est sucré, mais à l'intérieur, c'est du poison. C'est ça la réalité. Non. Donc, eux, ils veulent imposer la monogamie à tous les hommes et à toutes les femmes. Puis en arrière, ils poussent la perversité, puis la liberté, puis le libertinage. Non. Donc, Cheikh Ibn Baz, lui, quand on lui avait posé la question par rapport à ça, Cheikh, il a dit, yani, ces gens-là, ils veulent imposer aux musulmans le christianisme. Ils veulent que les musulmans deviennent chrétiens. Et en leur imposant la monogamie, c'est comme s'ils essaient de leur imposer, yani, la religion chrétienne. Et nous, on n'est pas chrétiens, on est musulmans. Et c'est ce qu'on constate à notre époque, que beaucoup de musulmans, malheureusement, et beaucoup de musulmanes en particulier aussi, n'acceptent pas la polygamie. Ils vont l'accepter peut-être pour les autres, mais pas pour leur mari. Hein? Et même si elles disent parfois, même certaines sœurs qui se disent salafiyya, hein, disent nous on est salafiyya, on accepte le Coran et la Sunna, on accepte la loi d'Allah, on juge uniquement par ce que Allah a légiféré. Puis lorsque la question du mariage multiple ou d'avoir plusieurs épouses est placée sur la table, comme on dit, eh bien tout d'un coup on fait volte-face, hein, et on oublie tous les principes et toutes les règles et tout, puis c'est un non catégorique. C'est sûr que d'un côté aussi il y en a qui se permettent de le faire de n'importe quelle manière sans respecter les règles et les conditions de la charia, et qui ne font que courir derrière leur passion et qui font de l'injustice. Ça, c'est pas correct, mais en même temps aussi, il y a de l'injustice des deux côtés. Donc, il faut être juste et honnête et faire les choses correctement, mais les dépassements et les injustices, ça ne doit pas être une excuse qu'on emploie pour justifier l'interdiction de ce que Allah a permis. Donc, ceci dit, le cheikh maintenant il va commencer à mentionner des points qu'on peut tirer des règles de ces vers qui sont dans ces versets-là. Et il en a mentionné pour ces quatre ou trois premiers versets, il en a mentionné 18. Donc 18 points. يؤخذ من هذه الآيات أولا إباحة التعدد في الزوجات لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وشرط في ذلك العدل بينهن فيما يستطاع من العدل الذي هو الكسوة والسكن والنفقة والمبيت. وهذا شرط إباحة التعدد. وأيضا لا يزيد التعدد على 4 نسوة، لأن الله حدده بـ4، لأن ناسا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أعداد كثيرة من النساء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن 4، وأن يخلوا من عن الباقيات. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في أن الزوج يستطيع القيام بالعدل بين هذا العدد، ولا يستطيع القيام بالعدل فيما زاد عليه. وأيضا هذا التعدد فيه مصالح للرجال والنساء، فالرجال يتوسعون بما أباح الله لهم من الزوجات، والنساء أيضا تجدن الكفالة لهن بدل الضياع وبدل أن تبقى بدون زوج. فكونها تكون عند زوج ولو رابعة أربع خير لها من أن تبقى أيما لا زوج لها ولا كافل لها. Donc ici le cheikh il explique que, premier point, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux hommes d'épouser plusieurs femmes. Comme c'est mentionné dans le verset 3 dans Sourate An-Nisa, épousez celles qui vous plaisent parmi celles qui sont des bonnes femmes, 2, 3 ou 4. Et la condition dans le fait de pouvoir épouser plusieurs femmes dans l'islam, c'est d'être juste entre elles, dans ce qu'il est capable d'être juste. Et ça implique quoi? Ça implique dans le fait de les vêtir, donc il doit être juste dans ce qu'il leur donne comme vêtements, comme demeure, c'est-à-dire le toit qu'il leur fournit, an-nafaqa, c'est-à-dire l'allocation qu'il leur donne, ce qu'ils dépensent pour elles, et dans le fait de dormir avec elles. Il doit être égal dans ces choses-là. En ce qui concerne le cœur et les sentiments, ça c'est certain que on n'est pas responsable de ça. Et ce n'est pas une condition d'être juste dans l'égalité entre les femmes sur les questions de sentiments, parce que les sentiments, c'est entre les mains d'Allah. C'est Allah qui contrôle les cœurs. Et donc, ce n'est pas une condition de les aimer de façon égale. L'important, c'est de leur donner leurs droits et d'être juste entre elles dans ce qui est obligatoire des responsabilités qu'on a à donner à chacune, de donner de façon juste, c'est-à-dire à chacune selon ce qui lui revient. Et il faut ici distinguer entre la question de justice et la question d'égalité. Parce qu'il y a une grande différence entre la justice et l'égalité. Parfois l'égalité peut être injuste, et l'inégalité peut être juste. Et l'exemple de ça, c'est si par exemple tu as une femme qui mesure 6 pieds, et l'autre qui mesure 3 pieds, hein, et ben tu vas dire, quand je dis 6 pieds, on va dire je ne sais pas combien de mètres, mais une qui est très très grande et l'autre qui est petite, et tu vas acheter à la petite la même robe qu'à la grande, ou à la grande la même robe qu'à la petite, ou une femme qui est un peu plus grassette, hein, grassouillette, et l'autre qui est plus mince, et tu vas acheter la même robe aux deux, ça c'est de l'égalité, mais c'est pas de la justice. D'accord? Donc il faut tenir compte de la justice et non pas de l'égalité dans ces choses-là. Et en ce qui concerne également peut-être le fait de dormir avec les femmes, peut-être que certaines d'entre elles ont, disons, plus de besoins que d'autres. Hein? Elles ont des désirs ou des envies différentes. Ou bien l'espace qu'elles ont besoin est différent du fait que, par exemple, il y en a une, elle a 5 enfants, l'autre, elle en a juste 2. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin du même espace. Hein? Et des choses de ce genre. Donc, il y a des différences dans l'égalité et l'égalité n'est pas synonyme de justice. Ça, c'est important. Aussi, le cheikh, il dit que une condition pour que la polygamie ou bien le fait d'avoir plusieurs épouses soit permis dans l'islam, c'est que ça ne dépasse pas 4 femmes. Tu ne peux pas avoir plus que 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il a limité le nombre des épouses à 4. Parce qu'avant l'islam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui se sont convertis et qui avaient plus que 4 femmes parmi les Arabes. Et en passant, la polygamie, ce n'est pas spécifique à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené comme religion et comme législation, puisqu'on retrouve des exemples de la polygamie dans les enseignements des prophètes précédents, parmi les prophètes des fils d'Israël. Et on retrouve par exemple Yaqub qui avait 4 femmes, Jacob. On retrouve que Suleyman, Salomon et David avaient des centaines d'épouses. On retrouve que Ibrahim avait 2 épouses, Sarah et Hajar. On retrouve que, par exemple, Moussa avait plusieurs épouses. Donc, beaucoup de prophètes ont eu plusieurs épouses. Et la polygamie, même si aujourd'hui, chez les chrétiens et les juifs, elle est interdite, mais elle n'est pas interdite par les textes religieux. Elle est interdite par les prêtres et les rabbins et les moines, non pas par la révélation. Et il n'y a rien qui a interdit la polygamie, et aucun prophète n'a jamais interdit la polygamie. Donc ça, c'est de un. Et même chez les peuples, parmi ceux qui ne sont pas sur une religion qui est à la base révélée à un prophète, par exemple, chez les autres peuples qui sont mushrikin, on voit que même parmi eux aussi, il y en a qui sont polygames. On voit par exemple en Afrique, chez les animistes, des tribus ou des gens qui épousent beaucoup plus que 4 femmes. On retrouve ça aussi en Asie, dans différents pays asiatiques. Hein? Des hommes avaient plusieurs femmes. Même en Chine, des hommes avaient plusieurs femmes. C'était connu. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique dans l'islam. Sauf que l'islam est venu mettre des règles à cette question-là, pour qu'il n'y ait pas de transgression ou d'injustice qui soit faite. Parce que du moment que quelqu'un commence à avoir plus que 4 femmes, eh bien, ça devient vraiment difficile pour cet homme-là de pouvoir justement veiller au bien-être de ses épouses et de leur donner leurs droits. Après, le cheikh, il explique que ça fait partie donc des sagesses d'Allah, hein, d'avoir légiféré qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes et qu'il se limite à 4. Donc ceux qui, avant l'islam, se sont convertis et qu'ils avaient plusieurs femmes, plus que 4, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'en choisir parmi elles, de choisir les 4 qu'ils voulaient garder et de divorcer les autres. Et donc, parmi les exemples de la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ce qu'il a légiféré à ce sujet-là, c'est que le mari, il est capable de s'occuper de façon juste entre ses femmes lorsque il a ce nombre d'épouses-là. Mais si c'est plus que cela, il ne sera pas capable. Hein? Ou bien il aurait beaucoup trop de difficultés pour être juste. Et aussi dans le fait qu'un homme applique la polygamie, il y a des biens qui en découlent pour les hommes et pour les femmes. Parce que les hommes qui ont plus de richesses et plus de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis donc d'avoir plusieurs épouses. Et les femmes, elles, de leur côté, eh bien, elles vont avoir un homme qui va s'occuper d'elles et qui va, les prendre en charge, ce qui fait qu'elles ne vont pas être abandonnées. Elles ne vont pas rester sans mari, comme ça, toutes seules, à la maison, chez leurs parents. Donc, le cheikh, il explique que c'est mieux qu'une femme ait un quart de mari qu'elle n'en ait pas du tout. Bien entendu, pour les koufars, c'est avec leur notion de soi-disant romantisme à l'eau de rose, l'amour qui doit être absolu et parfait, qui ne peut être que pour une seule personne, sinon elle n'est pas pure. Donc il s'imagine que si un homme a plusieurs femmes, ou si une femme est en train de partager son mari avec un autre homme, c'est pas pur dans son amour, ou je sais pas quoi. Eh bien, ça, c'est des notions qui sont pas islamiques. Et c'est basé sur des chimères et sur des caprices en grande partie. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite, inshallah, au prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته